de l'Atlantique. Monica fait du bouche à bouche pour éviter que des eunuques s'exilent sur la chaise électrique. À bâton rouge le dimanche, le piturlute à Maison Blanche. C'est pas de chance pour Monica, les cigares venaient de Cuba. Chez McDo, pour embrosser les petits ricains, c'est fait tourner le vieil indien. Ça sent le pâté à Buffalo. C'est le western, western, western. C'est le western, western. Charme pour peinure, le grand western est bien fini. Les blacks ont payé la facture. Service balleur New York City. Gros bouclier anti-missile, on se refait fort à l'amour. Ne plus bouger le moindre cil, car l'oncle Sam est parano. Du Pentagone joue les pionniers du nouveau trône. Pétrodollar, mission profit. Voici la World Company. C'est le West.